légende, le Quadra. Merci Seigneur. Encore et toujours. Yezu a dit que la bison combo na ye poto sale là. Natango tozana besoin ma pamboli. Natango to na besoin ma kambo na biso kende liboso. Mais ndenge nini na kati ya mboka combo ya Kofi et koma kotanga makoleka combo ya Yezu. Bien te Kofi azaneka Kofi azana posa ya ba esclave te bato ba ko vivre te soki ba na combo na ite na monoko. Ah vraiment. Na ko kana ngapi na nyoso te. Mais Niniko, Niniko. Boleman pengayi, Nazaranga motokaka, Papa ya banananga, Del Pierre Los Angeles na Didi, Diego Roki na Elvis. Boleman gumbo nangayi, Nazaranga motokaka. Mwana ya papa Charles ya kenda Atike langa charge ya Miami Pupu na beje mena yeme Magali Annabelle Nkombo ya Kofi Eza na magi ya Lumpemba Nkombo ya Mopawe Epe saka chaleur Moto tro Esi eye bana Mpo baloba yoye Luka Kofi na problem Mpozo actualité Kosana kombo ya Kofi pa n'importe quoi yeah. Kasi kombo ya Mopawe Eko kite eko remplace Nkombo ya Jésus Epa ya baye bazo luka li pamboli Koluka salu éternel Mais pourquoi bato mingi na kombo yo Pa miko misa ba esclave Ya nkombo ya Rambo Bako kate ko vivre sa kotanga ka kombo na ye Yayana Didi Alpha Nkonde Kameda Bakayoko Jojo Weya Wapi Joao Lorenzo Kaya Kofi Ome Mango na Onu Epa ya Guterres Na ye Biza Bango Batika Mopa Okimia Moa Mokeye Sasungeso Wapi fornya singbeye Alasan Watara Benga Paul Kagame Kaya Kofi Bome mango na conseil De sécurité Ba eta membre ba tia ba veto Contre ba jaloux Ya Kofi ya Billy Mounyampara Fali Ipupa Featuring Yusundur Vincent Gomez Loluka Nolfo Mouteba Atana Bercy Pour ça la célébration Kombo ya grand mot paoui Gagné Kombo ya moto et l'Obama koleka Ba problème sérieux ya mboka Izala kate Que cela se sache une fois pour toutes Nana koka nanga na nyon sote Nana nga kaka moto kaka Merci Alpha Nkonde nanga nefe makisal Hugues Golondele Inoele Ngoya Valeria Kofi Bo protège mon amusé Topé na Pentagone Na USA Bango bien 10 sur 10 Bango ba kokanatu Kasima soumounio soa mokili Kakase ya mopawe Toujours Toko samba pourquoi Bossi bolongaki avant procès Bino boza parfait Bino ata défaut moko Nazana nyongo ba Kofi fio Naza esclave ya boulot Nazana nyongo ya bato yo Balinga kamo sala Oye salam avec raffinement La modèle Antoine Foutez-moi la paix. ma del piolo na l'école. Nani a pris sa rôle, c'est éducation bien. Samuel Eto'o, le numéro 9 d'Afrique. Didier Drogba, Romelu Lukaku. Alpha Condé, Kamaine, Bakayoko, Wika son Gunter, Modogo, Yona GG, Damson Aza, Maître Gimson Airo, Bokena Vatican, Bosenga, Bénédiction Yanko, Moya Grammo, Paweye. Johnny Hallyday, Wapi, Michael Jackson, et Pai Bouzali, Potine, l'amour, Pao, ma vibration, ma légende. Jean-François Ndenge, Gibou Chiri, Jacques Kaman, Vouama, Yassim Melade, Willy Carlos, Wapi, Antonio Soré, Paidina, Amadou Diaby, Kaya Kofi, Bomé Mangona, Genève, l'office de droit de l'homme. Ayebi sabango ba temporize mama rifai mwikaso na modele ya twane tuturo mwana mama na modele ya twane seni le cœur chante kofi ana moyala mwoklorisi jina shima adeber adeli minyo akoke nanya kuna mamani manye ye nanya futela didi minyo Blaise Londolé, Nanya Pesa la forme en moto. Mais il y a un moto qui est que bateau bas ou talaye, peu ou bas ou le balo bana comme on aille, bas ou mon ami ou penan zambé. Orié mon cabinet, aneka moto kaka. Samuel Eto, Obenga Didier Drogba, Constieka, Oluka Junior Zogo, Mama Rufa Mouikasson. Tout au bas, moi, na mamami. Gunther Zogambo du désert des Ogambol. Joseph Berthier, Guy Noël Moya.